Je sais où

venga da toi, Carmen, je suis là de souffrir. Baroude, baroude, il faut partir. Baroude, baroude, il faut partir. Halt, quelqu'un là qui cherche à se cacher. Par Dieu, la surprise de ruse. Et quelle malheureuse. Que viens-tu faire ici? Oh, je viens te chercher. La thank you.